te regarde. Moi je sais des choses qui s'accomplissent, qui échouent. Et je te regarde. Moi je sais des choses que tu désires ou pas, parce que moi en attendant je suis pas trop dans le battement de cils. Je suis un mec viril, je vais pas attendre 107 ans. Plus je te regarde, moins je sais des choses qui passent. Moi je sais des adresses sur la carte du ciel, parce que moi en attendant je suis pas trop dans le battement de cils. Je suis un mec viril, je vais pas attendre 107 ans. Plus je te regarde, moins je sais des choses qui ça. Je te regarde, moins je sais si je dois prévoir des capotes, parce que moi en attendant je suis dans le battement de cils. Je suis un mec viril, je vais pas attendre 107 ans.